Chapitre 18e. Les domestiques ne furent pas peu ahuris de voir le lendemain vers 8 heures M. Pépin sortir officiellement dans une tenue sommaire de la chambre de Madame Pomme. C'est ainsi que le grand roi devait quitter solennellement, devant les courtisans inclinés, les appartements de Marie-Thérèse. « Ça y est !» déclara Constance sans embâge, quand le maître disparut dans son cabinet de toilette. « À la bonne heure, il est moins bête que nous ne pensions. » Constant devait choir de surprise en surprise. Un coup de sonnette l'appela. Constant, vous allez prendre madame et la monter au 5e dans le petit appartement qui est vacant. Vous demanderez la clé au concierge. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Si, monsieur, seulement... Est-ce donc madame Pomme est malade, qu'elle ne peut pas monter toute seule? Il ne s'agit pas de madame Pomme. Il n'y a pas de madame Pomme, vous m'entendez? Il y a madame Pépin. Mais ce n'est pas d'elle que je parle, c'est de... du buste. « Ah, très bien, chouette. »« Pourquoi, chouette ?»« Parce que monsieur a bougrement raison. Mieux vaut tard que jamais. »« J'ai raison, évidemment. Mais pourquoi dites-vous que j'ai raison ?»« Oh, je m'entends. »« Oui, mais je ne vous entends pas. Que voulez-vous insinuer ?»« Monsieur, la discrétion professionnelle d'un domestique. »« Je vous serai obligé de l'oublier en ma faveur. »« Monsieur exige que je parle. »« Monsieur ne sera pas content. »« Et me flanquera mes 8 jours. »« N'ayez pas peur et parlez. » Vous me rendrez service. Ou alors, eh bien, je dirais que monsieur était bien bon de pleurer et de faire le Jacques pour une personne. Enfin, tout est bien puisque monsieur divorce avec le buste. Constant, je vous prie de vous expliquer. Pour une personne qui en faisait voir à monsieur. Ah. Et dans les grandes largeurs. Mais monsieur tient le bon bout. Tout le quartier est avec monsieur dans cette histoire-là. Monsieur peut me croire. Ainsi, la fruitière. Ah. Tout le quartier est au courant. C'est exquis. Je pense être seul à savoir. Monsieur Badine, c'est même étonnant que monsieur ait appris. Tout. Je sais qu'il y avait un militaire. Oh, un militaire. Enfin, oui, un militaire. Et un médecin. Oh, malheur, un médecin. Enfin, oui, un médecin. J'ignore leur nom, mais quand... Monsieur a tort de ménager ses amis devant moi, qui suis le frère de lait de monsieur. Que monsieur permette à son fidèle serviteur de lui parler à cœur ouvert. Monsieur était un cocu, sauf respect, mais un cocu chic, parce qu'un cocu qui a des 100 000 de rente ne fait pas ça pour de l'argent. Un cocu, enfin, que le concierge et les fournisseurs estiment malgré tout, tandis que monsieur l'empereur et monsieur Millevaux se conduire comme ça envers monsieur, presque nourri par monsieur et madame, et ça prétend être médecin et militaire, et ça crie « Vive l'armée !» Tout le quartier les a dans le nez. Et je n'oserais pas dire à monsieur comment la marchande de poissons les appelle. Vous dites, le médecin et le militaire, c'était eux? Monsieur me fait l'honneur de se payer ma tête? Comme si monsieur ne savait pas que le docteur avait madame le mardi et que le vendredi était pour le capitaine? Des jolis cocos qui vous mettaient tout juste 100 sous dans la main au jour de l'an? Non, je vois que monsieur fait la mine. J'avais bien dit, monsieur m'en veut à présent. Si peu, Constant, que je vous donnerai les moyens d'aller vivre dans votre pays avec une petite rente. Monsieur me quitte. Monsieur me regrettera, enfin, s'il y a une petite rente. Vous l'aurez. C'est bien. Ah, Constant. Monsieur. J'ai changé d'idée en ce qui concerne le buste. Inutile de le monter au 5e.